va pas parler technico-tactique, là, on va laisser les chiens, puis voilà. D'ailleurs, le bouclier, c'est bon, le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, c'est un morceau de plage, il flotte, hein. Un pilier, un jour, lui a dit, je t'ouvre la tête comme un livre. Et Trinini lui a répondu, à quelle page? Et à chaque fois. Aujourd'hui, épisode un peu particulier car 48 heures avant l'annonce officielle de Jacques Brunel, Joe Rugbimino s'est prêté au jeu et a imaginé sa liste de 31 joueurs pour la Coupe du Monde 2019. Pour rappel, cette Coupe du Monde aura lieu au Japon du 20 septembre au 2 novembre et la France, nos bleus, auront fort à faire d'emblée car il faudra s'extirper de la poule de la mort qui nous mettra aux prises avec l'Angleterre, l'Argentine, les États-Unis et les îles Tonga. Pour établir cette liste de 31 joueurs, nous avons puisé dans les 65 joueurs présélectionnés par Jacques Brunel il y a un mois maintenant, et nous avons définitivement entériné les 31 noms au soir de la finale de Top 14 qui a vu Toulouse s'imposer au terme d'un match engagé. Certains de ces joueurs sont bien évidemment sortis marqués de cet affrontement dantesque, mais on peut raisonnablement penser qu'ils seront rétablis assez rapidement et qu'ils seront frais le 2 juillet lorsqu'ils rejoindront le wagon des autres sélectionnés à Marcoussis. Avant toute chose, la liste que nous avons établie sort de notre propre réflexion et nous ne tentons pas de pronostiquer quels seront les choix de Jacques Brunel et son staff dans 2 jours. C'est une liste qui comporte 18 avant pour 13 trois quarts et ce décalage s'explique par la nécessité de tripler les postes de la première ligne. C'est certainement le poste le plus traumatique dans le rugby actuel et nous ne pourrons pas aborder une échéance aussi importante que la Coupe du Monde avec 2 piliers droits, 2 gauchers ou 2 talonneurs. De plus, cette liste a été établie avec la volonté constante d'associer plusieurs profils différents au sein d'une même ligne afin de pouvoir adapter notre stratégie et l'adversaire en question avec plus d'efficacité. Et nous allons prendre un peu de temps pour développer ce point, étant donné qu'on croit vraiment à cette notion de profil. Pour nous, tout joueur a un instinct rugbystique et le rôle de l'entraîneur ou du sélectionneur consiste à le marier au mieux aux attentes et projections effectuées pour le match à venir. Cette analyse, qu'on fait souvent grâce à l'étude vidéo, découlera une stratégie. Et si par exemple on souhaite pratiquer un jeu large-large, nous pensons qu'il est plus judicieux d'installer au poste de premier centre un 5-8ème plutôt qu'un joueur puissant. Et dans cette même idée, on privilégiera également une 3ème ligne mobile et joueuse plutôt que des profils gratteurs-plaqueurs. Au contraire, si c'est un match sous la pluie qui nous attend, on peut raisonnablement estimer que cela sera une confrontation assez fermée, cadenassée, qui s'annonce, et que le triptyque défense, conquête, occupation sera déterminant de cette opposition. Alors pourquoi ne pas aligner un pack plus lourd pour maximiser nos chances en conquête? Pourquoi ne pas aligner une troisième ligne ferrailleuse et des centres puissants au milieu du terrain? Pourquoi ne pas faire débuter un triangle d'arrière sûr sous les ballons hauts, sous les ballons chauds et avec un jeu au pied de qualité? C'est vraiment cette idée qui nous a animés tout au long de l'établissement de cette liste et on peut bien sûr décliner ces exemples à l'appel et ce petit aparté n'était là que pour préciser l'idée qui nous a accompagné tout au long de notre réflexion. Écoutez, il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet et nous allons vous présenter les joueurs poste par poste dans l'ordre hiérarchique qu'est le nôtre à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc pour commencer au poste de pilier gauche, le premier sélectionné est Jefferson Poirot. Pour nous, c'est une évidence tellement il tient la baraque depuis ses débuts internationaux et tellement il se montre au niveau des exigences internationales. Son activité dans le jeu courant et sa tenue en mêlée fermée n'ont pas d'équivalent aujourd'hui en France. On espère seulement qu'il retrouve la pleine totalité de ses moyens après la blessure qu'il a contractée en mars contre les Irlandais lors du tournoi des 6 Nations. Le deuxième joueur appelé au poste de pilier gauche est Danny Prisot. Là aussi, pour nous, il n'y a pas vraiment de discussion, tellement il mouille le maillot bleu à chaque fois qu'il a l'occasion de le porter. Outre son dynamisme naturel, il possède de sacrées aptitudes ballon en main et domine très souvent ses collisions. Pour nous, c'est un parfait impact player qui amène une véritable bouffée d'air frais dès qu'il sort du banc. Ensuite, le troisième pilier est Cyril Baye. Nous l'avons préféré à Étienne Falgou ou Eddy Benarous, car il revient très fort en cette fin de saison, Comme le prouve son duel remporté en mêlée fermée face à Winnie Antonio en demi-finale contre La Rochelle. On peut également penser que sans ses blessures au tendon rotulien il y a deux saisons et à l'ischio jambier il y a une saison, il n'aurait pas quitté le groupe France, tant ses prestations étaient encourageantes et sa courbe de progression palpable. Il nous apparaissait donc évident de le sélectionner pour cette Coupe du Monde. Maintenant, on passe au niveau des talonneurs, et là, pas de grande surprise, on va commencer avec Guillaume Guirado, bien évidemment. Comment se passer de notre capitaine XXL, qui ferraille depuis 4 ans sur tous les terrains du globe? Pour nous, il est véritablement indiscutable à son poste, et son aura de capitaine nous sera très utile durant ce séjour en terre nippone, où nous devrons battre, pour rappel, l'Argentine et ou l'Angleterre pour espérer se qualifier en quart de finale. Pour cela, Camicha accompagnera Guillaume Guirado. Là aussi, sa sélection est indiscutable, tellement il en impose du haut de ses 23 ans. Il est ultra dynamique, c'est un incroyable fer de lance. Il ne peut vraiment laisser insensibles les amateurs de ce sport, tellement le don de sa personne dont il fait preuve sur un terrain de rugby est hors du commun. De plus, il semble entrer dans une certaine maîtrise du lancer en touche, aspect qui lui a longtemps porté défaut, donc c'est sans hésiter qu'on a posé son nom sur cette liste. Par contre, des hésitations, on en a eu concernant le choix du troisième talonneur qui partira au Japon. Il est vrai que sans la malencontreuse blessure de Marchand, tout aurait été plus simple tant le niveau de jeu du capitaine toulousain l'a mené naturellement vers le maillot bleu. Nous avons donc choisi de sélectionner Michael Ivaldi, le meilleur lanceur du top 14 depuis plusieurs saisons maintenant. Il rejoint l'aventure du 15 de France car son profil est unique en France et nous pourrons être amenés à avoir besoin de ce talonneur de conquête. Les critiques sur son supposé manque de déplacement à l'échelle internationale nous paraissent secondaires face à ses qualités de talonneur royal en touche et expérimenté en mêlée. Et puis, quand on y regarde de plus près, beaucoup de nations britanniques ont des talonneurs dans son style, comme Dylan Hartley en Angleterre, qui a longtemps été le capitaine du 15 de la Rose, ou Ken Owens au Pays de Galles, qui est titulaire aujourd'hui et qui a un style de jeu assez similaire. Et il me semble que l'Angleterre, comme le Pays de Galles, se porte très bien sur la scène internationale. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Michael Ivaldi avec un profil un poil différent des talonneurs modernes ou des talonneurs français. On passe désormais au poste de pilier droit et on commence par le phénomène Demba Bamba. Voilà, il n'a que 21 ans, il n'est plus à présenter et il convient de féliciter le staff du 15 de France de l'avoir lancé dans le grand bain durant le Six Nations alors qu'il joue encore en Pro D2 sous les couleurs de Brive. Il fallait être audacieux. Et ils l'ont été, et Demba Bamba a largement répondu aux attentes. Il sera très probablement titulaire à ce poste-là, tant sa tenue en mêlée est propre, et tant son activité dans le jeu courant est hallucinante pour un pilier droit. C'est Winnie Antonio qui l'accompagnera. Il a un peu subi l'éclosion du phénomène Bamba, mais toujours est-il que son profil de porteur de ballon puissant reste unique, et on sait que l'intense préparation physique qui attend les Bleus va l'aider à être encore plus mobile dans le jeu courant et efficace sur ses prises de balles. Encore une fois, le choix du troisième joueur a été compliqué pour ce poste-là, mais c'est finalement Sedate Gomesa que nous sélectionnons pour la Coupe du Monde. Il a récemment accompli de grands progrès en mêlée fermée et il possède une véritable activité dans le jeu courant. Et c'est typiquement le genre de joueur qui peut bousculer la hiérarchie au poste ou tout du moins obtenir davantage de jeux qu'escompté à la base. On passe maintenant aux deuxièmes lignes et on va commencer immédiatement avec Sébastien Vahamina. Pour nous, sa sélection ne souffre également d'aucune contestation tant il enchaîne les prestations de haut vol sous le maillot clermontois ou français. C'est un des lieutenants du capitaine Guirado et son abattage, voire sa rugosité dans le jeu courant, nous serons indispensables lors des matchs bouillants contre les Pumas ou les Rosbif. Si tant est qu'il ne cumule pas les fautes bêtes ou les passes 50-50 comme hier soir contre Toulouse. Félix Lambé, pour nous, sera à côté de Vahamina. Dès son arrivée dans le squad tricolore, il s'est rapidement imposé dans le 15 de départ, tellement ses trois poumons ont apporté de l'avancée et de la continuité. Vaillant, bon sauteur, intelligent, c'est l'archétype du second ligne moderne et il possède également d'excellentes habiletés techniques qui lui permettent de réaliser de belles chevauchées au cœur des défenses adverses. Le troisième deuxième ligne qui fera partie du squad sera Paul Willemse. Il excelle sous le maillot montpelliérain depuis plusieurs saisons maintenant, et son profil de deuxième ligne plus classique, plus puissant, peut être un atout pour caler la mêlée ou pour effectuer de grandes charges. Nous sommes également certains que le décalage de rythme entre top 14 et test match qu'il avait ressenti lors du dernier 6 nations est derrière lui et qu'il saura se montrer à la hauteur des grandes échéances à venir. Et enfin, le quatrième deuxième ligne est Paul Gabriag. Dans notre esprit, il est à un niveau égal à Maestri, mais nous avons préféré sélectionner le joueur formé au Stade français, car il est bien plus jeune que son homologue et représente l'avenir du 15 de France. Son profil coureur, aérien et altruiste nous amène également à penser qu'il rentrera sans aucun problème dans la rotation au poste. Et nous passons désormais en troisième ligne où il y a une véritable avalanche de talents. À ce poste-là en France, c'est littéralement incroyable. Nous avons donc opté pour 5 joueurs talentueux qui ont beaucoup de caractéristiques en commun, comme le porté de ballon ou l'activité. Et c'est vraiment été les choix les plus compliqués. Très compliqué de se décider entre tous les candidats. Et autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, en annonçant le premier flanqueur qu'on a sélectionné, et ce, même s'il ne faisait pas partie de la liste initiale des 65 pré-retenus, Kevin Gourdon. C'est très simple, on porte une véritable adoration pour ce joueur, tellement c'est le joueur racé par excellence. C'est franchement le joueur qu'on a tous rêvé d'être. Complet, excellent porteur de ballon, il met toujours son équipe dans l'avancée, tantôt en éliminant un adversaire, tantôt en jouant cette fameuse épaule faible dont tous nos éducateurs nous ont tant parlé quand nous étions minots, ou tantôt en faisant jouer autour de lui, avant ou après contact. Il est hyperactif, jamais fatigué, et il se montre également de plus en plus un excellent défenseur, auteur de peu de plaquages offensifs, certes, mais toujours parfaitement réalisé, et son QI rugbystique lui permet de juger avec plein d'à-propos quand gratter ou non le ballon dans les rucks. Dans notre esprit, Kevin Gourdon est clairement titulaire sur un côté de la troisième ligne et c'est l'infatigable Arthur Ituria qui se retrouve de l'autre côté de la mêlée. Sa blessure à l'ischio-jambier qui l'a empêché de jouer hier soir contre le Stade Toulousain devrait être rapidement résorbée et il mérite sa place largement de l'autre côté de la mêlée. Il est habile, mobile, vaillant, intelligent. Il possède lui aussi toute la panoplie du joueur moderne et sa grande taille sera un atout non négligeable dans le domaine de la conquête aérienne. N'oublions pas que c'est un deuxième ligne de formation qui a éclos au plus haut niveau à ce poste-là et qu'il est l'un des meilleurs de preneurs en balle en touche du championnat. Louis Picamol, lui, complète la troisième ligne dans notre esprit et son profil unique au monde doit nous apporter de l'avancée dans l'axe profond. C'est clairement le seul numéro 8 français capable de monopoliser tant de défenseurs, un peu comme Vunipula en Angleterre, et nous plaçons beaucoup d'espoir en lui. Pourvu que le travail physique préparatoire à la Coupe du Monde lui permette de retrouver son niveau de Northampton, lorsqu'il fut élu meilleur joueur du championnat anglais il y a 2 saisons de cela maintenant. Car avec un Picamol en forme, vraiment le 15 de France pourra déployer son jeu. Le futur très grand Grégory Aldrit nous semble être un excellent remplaçant tant son profil hybride convient à tout type de match. Pouvant jouer aux 3 postes de la 3ème ligne, c'est un joueur réellement fascinant, plein d'enthousiasme et son immense activité sera un plus lorsqu'il foulera la pelouse. Enfin, le 5ème joueur qu'on a sélectionné à ce poste est Mathieu Babillot. Un peu moins dynamique que ses coéquipiers précédemment nommés, mais tout autant actif, il possède un atout incroyable dans son jeu, le grattage de ballon. C'est l'un des meilleurs français dans ce domaine et le capitaine du Castres Olympique pourra nous être utile lors des matchs couperets où la bataille des centimètres fera rage. Les 18 avants que nous avons sélectionnés représentent bien le jeu aéré que nous souhaiterions développer car il correspond aux racines du rugby à la française. Toutefois, nous avons voulu également choisir des joueurs au profil un poil plus atypique pour nous adapter plus aisément aux conditions climatiques sur place et aux confrontations serrées qui nous attendent. Vient maintenant le temps de nous dévoiler les 13 trois quarts qui partiront avec nous au pays du soleil levant. La plupart d'entre eux sont polyvalents et peuvent couvrir 2 postes, mais nous vous les présenterons à leur poste de prédilection. Et ici encore, force est de constater qu'il y a une véritable pépinière de talents. Q Que de pépites, comme dirait l'autre. Donc autant commencer par la plus brillante d'entre toutes, Antoine Dupont. On ne le présente plus. Ce joueur est un véritable ovni dans le paysage rugbystique. Et les attentes sur les épaules seront colossales tant son profil unique de match winner est incroyable. C'est vraiment le mec qui peut faire basculer un match en notre faveur à tout moment. Mais il sera intéressant de voir également sa capacité à s'inscrire dans un jeu collectif, si tant est que nous arriverons à en développer un. Morgan Parra et Sébastien Bézi accompagneront Dupont, à notre avis, au Japon, et il sera intéressant de voir lequel des deux sera placé sur le banc des remplaçants. On le sait, Parra est davantage gestionnaire, il est même parfois considéré par ses détracteurs comme un demi de mêlée lent, mais sa science du rugby et sa gestion des temps forts, temps faibles, peuvent s'avérer être un atout considérable lors des fins de match en jeu. Tout comme le dynamisme et la capacité d'éjection incroyable de Bézi. C'est un véritable animateur de haut niveau, comme sa rentrée en demi-finale de Top 14 contre La Rochelle le prouve à merveille. C'est un vrai choix de luxe à venir pour le staff, et il faudra tout de même sacrément se creuser les méninges pour prendre la bonne décision. Concernant les demi d'ouverture, pas de grande surprise. Romain Tamac sera notre chef d'orchestre pour cette Coupe du Monde, âgé de 20 ans seulement. Il ne cesse de surprendre les amateurs de rugby par son flegme et sa capacité d'alternance. Il peut se montrer animateur d'un jeu aéré et de mouvement, tout comme être un gestionnaire avisé. Camille Lopez, lui, fait également partie de cette liste malgré ses récentes sorties médiatiques. Il reste une valeur sûre à ce poste crucial et son entente avec Parra est à prendre en compte. Ils pourraient tous deux être amenés à gérer les fins de match tendues. Chez les centres, trois spécialistes du poste seront du voyage. Gaël Ficou est l'un d'entre eux. Il a réellement réalisé une saison d'anthologie au Stade français, multipliant les percées plein champ, et on a réellement eu l'impression de retrouver l'enthousiasme et l'élan de ce beau joueur de rugby. Nous le plaçons volontairement à son poste de prédilection, plutôt qu'à l'aile, car c'est au centre du terrain qu'il pourra nous apporter le maximum, à notre avis. À ses côtés, Mathieu Bastaro est là, et sa présence ne souffre d'aucune contestation, tant son profil de puissance pure peut nous être précieux, et tant il a toujours été efficace sous le maillot bleu. C'est un véritable leader, et il saura transmettre sa rage de vaincre à tous ses coéquipiers. Sofiane Guitoun est le troisième centre de notre sélection, replacé à ce poste par le staff toulousain cette saison. Il a été titulaire à 23 reprises sur 28 matchs, auteur de 12 essais, et outre ses statistiques plus qu'honorables, il a littéralement éclaboussé le championnat de sa classe. Constant dans ses prestations d'août à juin, habile, joueur, audacieux, il peut être un des facteurs X de ce 15 de France et sa capacité à jouer juste et autour de lui en toutes circonstances sera un atout de poids pour notre jeu d'attaque. Car il faudra être en mesure de servir nos ailiers dans de bonnes conditions, tellement il y a pléthore de talents à ce poste-là également. Comment ne pas être admiratif du talent et de l'état d'esprit de Damien Penaud par exemple ? Il cavale sur son aile, dézone pour amener un surnombre avec plein d'à-propos, s'impose dans les duels aériens et il est surtout toujours présent, même quand son équipe flanche, comme le 15 de France en Italie ou comme Clermont lors de la finale. Pour nous, c'est un véritable leader de terrain, capable d'hisser son niveau et de faire avancer son équipe quelle que soit la physionomie du match. Et les Britanniques ne se sont pas trompés d'ailleurs en l'élisant dans le 15 type du 6 Nations, malgré le tournoi catastrophique des Bleus. C'est l'assurance tout risque par excellence. Tout le contraire de Teddy Thomas, capable du meilleur comme du pire. Mais c'est justement pour sa capacité unique en son genre de débloquer des situations que nous faisons le choix de l'amener au Japon. À l'heure actuelle, et au vu de notre maîtrise aléatoire du jeu d'attaque, on ne peut pas se passer de ce joueur fantasque, seul français capable d'asseoir un adversaire sur un cadrage débordement. Ali Viretti-Raka, lui, met ses opposants sur les fesses d'une autre manière. Son profil véloce et puissant nous est également indispensable et sa récente naturalisation prouve que le staff du 15 de France en est conscient. Il mérite amplement de faire partie du voyage car il est le meilleur français dans ce profil d'ailier robuste. Mais il reste néanmoins imperfectible sous les ballons hauts et pourrait être une cible privilégiée par nos adversaires. Enfin, à l'arrière, deux joueurs du Stade Toulousain seront du voyage. Tous deux arrière de métier, ils ont une bonne couverture du troisième rideau, une belle longueur de jeu au pied, une certaine aisance sous les ballons hauts, et notre préférence à l'heure actuelle pour le poste de titulaire va vers Thomas Ramos, car on le juge meilleur relanceur que Maxime Médard. le profil un poil plus classique de Médard sera tout de même précieux durant cette Coupe du Monde. Avant de conclure cet épisode, il convient d'avoir un mot pour les déçus qui feront partie de notre liste de réservistes et seront donc de facto appelés si un des 31 sélectionnés venait à se blesser. En première ligne, c'est Étienne Falgou qui est notre réserviste au poste de pilier gauche. Depuis son intégration au groupe pro de Clermont, il ne cesse de progresser et ses premières capes sous le maillot bleu obtenues lors du dernier 6 Nations prouvent qu'il n'est plus très loin du très haut niveau. Peto Movaka est notre suppléant au poste de talonneur et ce fut véritablement le joueur le plus compliqué à mettre de côté pour nous, tellement il nous impressionne depuis son éclosion au plus haut niveau cette saison sous le maillot toulousain. Rabah Slimani, lui, paye sa supposée indiscipline dans l'exercice de la mêlée fermée. Il est malheureusement dans le collimateur des arbitres internationaux depuis plusieurs saisons maintenant, un peu comme Domingo à l'époque, mais c'est un client dans cet exercice. Et ses 50 sélections sous le maillot bleu seront appréciables si jamais il est appelé à rejoindre l'aventure. En deuxième ligne, c'est un autre joueur expérimenté qui est réserviste pour nous, Johan Maestri, longtemps homme de confiance de Guinovès. Mama a perdu du crédit depuis l'arrivée de Brunel aux commandes du 15 de France. Il reste néanmoins un sacré athlète, capable de couvrir des kilomètres, et sa science du jeu d'avant pourra être un véritable atout. En troisième ligne, c'est Judikaël Cancorier que nous avons choisi de placer sur la liste d'attente. Joueur tout autant complet que les sélectionnés, il saura amener sa fraîcheur et son enthousiasme. Chez les demi de mêlée, c'est Baptiste Serin qui sera appelé au cas où. Nous lui avons préféré Bézi dans son registre, mais cela reste un sacré joueur, hyper talentueux et inspiré, qu'on présentait encore il y a 3 ans comme la future coqueluche du rugby français, après sa magnifique chistera à l'aveugle pour Picamol contre les All Blacks. Anthony Bello est notre réserviste au poste de demi d'ouverture, joueur propre, efficace, il a souvent été remplaçant sous le maillot bleu et n'a jamais eu véritablement l'occasion ou le temps de s'installer, mais il n'a jamais déçu pour autant, et son comportement professionnel convient d'être mis en avant. Geoffrey Doumerou, lui, représente pour nous l'archétype du joueur propre qui joue juste. Son excellente lecture défensive lui permet également d'être un excellent voltigeur en défense, et ses montées anticipées annihilent très souvent les surnombres extérieurs. Toutefois, son profil intéressant n'a jamais convaincu outre mesure avec les Bleus, et il est le premier à subir la saison de folie de Guitoun. Enfin, Johan Huger est placé à contre-cœur sur notre liste des réservistes. Au vu de notre manque de maîtrise collective dans le jeu d'attaque, on a vraiment le sentiment que nos ailiers doivent être capables de faire la différence individuellement. Ce que Penaud, Thomas et Raka sont davantage disposés à réaliser QG à notre avis. Mais on peut se tromper. Dans tous les cas, son expérience sous le maillot bleu et ses réelles qualités de finisseur nous seront cruciales si jamais il rejoint l'aventure Coupe du Monde au pays du soleil levant. Et pour conclure cet épisode, on va faire part un peu de notre ressenti car en préparant cet épisode, nous est progressivement apparu qu'on avait vraiment une putain d'équipe avec des joueurs pétris de talent. Nous avons réellement beaucoup d'espoir pour cette Coupe du Monde à venir. Nous voulons voir nos bleus conquérants, animés d'une farouche envie d'en découdre et d'une réelle envie de déplacer le ballon. Le talent ne manque pas dans cette équipe. Et quels que soient les joueurs qui seront sélectionnés dans la vraie vie par le staff de Jacques Brunel, on attend d'eux une véritable exaltation à revêtir ce maillot bleu frappé du coq. Nous sommes l'une des meilleures nations rugby dans l'histoire de ce noble sport et le 15 de France est toujours démarqué par son allant, son enthousiasme et sa folie. C'est ce fameux French flair que tous les amoureux et tous les amateurs des Bleus veulent percevoir, retrouver. Faites-nous rêver, bon Dieu. Envoyez du jeu. Déplacez cette gonfle. Avancez. Régalez-vous. Régalez-nous. Et surtout, les gars, on croit en vous.